le doute, c'est pratiquement ce qu'on sait faire de plus beau. Il y a tellement de diversité, tellement d'intelligence. La matière et ses atomes. C'est le moment où véritablement quelque chose a lieu. Et ce procédé devait mener à la séparation du chlorure de radium. Néandertal était différent, et pourtant si proche d'Homo sapiens. La météo est une science jeune qui est passée de la préhistoire à la technologie du laser en moins de 200 ans. Pendant longtemps, il a fallu s'en remettre au bon vieux dicton pour savoir si la pluie ou le soleil serait le lendemain au rendez-vous. C'est Emmanuel Beaucry qui va raconter cette histoire. Emmanuel Beaucry est prévisionniste à Météo France, spécialiste de la météorologie aérienne et de la détection des éclairs. Il est aujourd'hui directeur de l'unité qui fournit les prestations météo aux médias nationaux. Les satellites sont à l'origine de 90% des prévisions aujourd'hui. Mais avant cela, il a fallu beaucoup d'imagination et de pugnacité aux ingénieurs et aux scientifiques pour fournir des données à peu près fiables. Quel temps fera-t-il demain est une préoccupation très ancienne. Les Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Le temps, c'est quelque chose qui fascine tout le monde et qui touche tout le monde. On est tous concernés par le temps. L'homme a toujours été touché par les tempêtes, par les grands événements comme les orages, etc. Donc très souvent, il y avait des peurs vis-à-vis des éclairs, vis-à-vis de la foudre. Tout ce qui était le ciel, c'était un peu le domaine des dieux, parce que ça apportait, ça pouvait être bénéfique, apportant de l'eau quand on en avait besoin, mais ça pouvait être aussi catastrophique, parce que ça faisait des inondations, c'était très destructeur avec les tempêtes. Donc je dirais que, on pourrait dire que la météo, pendant très longtemps, ça a été un peu le domaine des dieux, et on essayait de voir comment on pouvait faire pour que les dieux nous soient plutôt favorables. Mais tant qu'on n'est pas rentré dans le domaine scientifique, on ne comprenait pas trop ce qui s'y passait. La naissance de la météorologie d'un point de vue science, c'est le XVIIe siècle. Avant, c'est un peu de la divination, c'est un peu de charlatanisme, mais c'est pas très scientifique. La création, je dirais, de cette science d'un point de vue technique, c'est l'apparition de deux instruments cruciaux pour nous météo. C'est un, le baromètre, ça mesure la pression. Et le deuxième, c'est le thermomètre, ça mesure la température. Le baromètre et le thermomètre sont deux instruments qui étaient un peu semblable entre guillemets. C'était essentiellement en général un tube de verre ou un vase dans lequel il y avait un liquide. Alors pour le thermomètre, c'est assez facile. On voit qu'il y a un liquide. Le liquide, avec la température, va se dilater, va occuper un espace plus ou moins important. On ne met pas encore d'échelle de température dessus. C'est un peu quelque chose d'un peu empirique. Le baromètre, c'est un petit peu différent. C'est on prend un tube dans lequel on remplit un liquide. Alors si vous pouvez mettre de l'eau, vous pouvez mettre du mercure, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, et vous retournez. Il va se créer un vide en partie haute de ce tube, et vous le retournez dans un bassin, pardon. Et dans la partie haute, il y aura du vide, et dans la partie basse, à l'extérieur, vous avez le contact de l'air, qui appuie plus ou moins sur ce liquide. Alors, il y a un point qui est très important. Si vous utilisez de l'eau, il va vous falloir un tube de plus de 10 mètres, et si vous utilisez du mercure, vous allez aux alentours de 70 à 80 cm de hauteur, donc c'est beaucoup plus petit. Qu'est-ce qu'on faisait avec ces instruments? Alors au départ, je dirais, c'est plus de la découverte, on recherche. On ne sait pas trop ce qu'on découvre, on ne sait pas trop ce qu'on mesure, mais on fait des points de mesure. Alors d'abord, le baromètre, on se doute qu'il se passe quelque chose, on découvre le vide, parce qu'en haut du baromètre, il y a du vide. On commence à comprendre que l'air a un certain poids et qu'il pèse. On ne s'en rend pas compte tous les jours, mais il existe. Le thermomètre, c'est un petit peu différent. On se rend compte qu'il y a des moments où il fait chaud, des moments où il fait froid. Et on essaie de mesurer un peu cette sensation. On n'a pas de date de naissance exacte du thermomètre, mais on sait que, je dirais que là où on va commencer à dire qu'on appelle ça un thermomètre, c'est là où on va faire des premières mesures avec une graduation. On va poser donc ces centauriaux qui vont mettre deux marques sur ces tubes pour dire voilà, là c'est chaud, là c'est froid. Aujourd'hui encore, on utilise deux échelles différentes de température. Le Fahrenheit qui va de 32 degrés, qui correspond à notre degré Celsius, à 212 degrés, qui correspond à notre 100 degrés Celsius. La grande découverte, c'est Blaise Pascal, qui va faire prendre un baromètre à son beau-frère. Il va lui demander de monter en haut du Puy-de-Dôme, de faire une mesure. Lui mesure en bas du Puy-de-Dôme pour voir la différence. Il se rend compte qu'il y a une différence de pression entre le haut et le bas. Et il va recommencer la même opération à Paris, sur la tour Saint-Jacques, qui existe encore, pour montrer qu'il y a une différence de pression entre le haut et le bas de la tour. Qu'est-ce que ça leur permet de comprendre aux scientifiques au XVIIe siècle? Alors, la grande découverte, c'est de découvrir que, eh ben, en réalité, l'air qui est au-dessus de nous a un poids. Et c'est le baromètre nous permet de voir cette différence de poids. Sans baromètre, nous n'avons pas, notre corps ne nous permet pas de découvrir, de sentir la variation de pression. On n'arrive pas à le sentir. C'est quelque chose d'être trop tenu pour notre corps humain. Par contre, avec un baromètre, on le voit très très bien. À tel point que quand vous montez de 8 mètres, vous perdez un hectopascal. Alors je rappelle qu'un hectopascal, ça correspond à un millibar, c'est la même chose. Au XVIIe siècle, on ne fait pas encore de carte météo. Alors, au XVIIe siècle, on ne fait pas de carte météo. Par contre, les Italiens produisent énormément de thermomètres de très bonne qualité et les vendent un peu partout dans l'Europe. Et vous vous trouvez plein de petits réseaux météorologiques qui se mettent en place, où les gens font de l'observation simplement. On mesure la température. Donc ça commence à avoir une idée de... On synthétise l'information météorologique. Un thermomètre du XVIIe siècle, c'est un tube de verre fermé dans lequel on a un liquide. Alors en général, un liquide à base d'alcool, mais ça peut, il peut y avoir différents produits. Une graduation qui en général est sur le thermomètre et c'est en général un instrument qui est très beau parce que c'est un instrument qui coûte cher. Donc on lui met tout un décorum autour pour vraiment le rendre attractif, sympathique. Mais c'est un instrument qui coûte extrêmement cher à fabriquer et qui est très fragile. Alors, quand on regarde, on fait les premières mesures essentiellement de température avec les thermomètres, les gens notent simplement sur des cahiers les valeurs. Ils n'ont pas encore eu l'idée de pointer ces valeurs sur une carte. Ça va être qu'au XVIIIe siècle où ça va commencer à apparaître. Et surtout, les premières cartes météorologiques sont assez surprenantes. C'est la compilation de carnets de bord de bateaux qui traversent l'Atlantique pour essayer de faire une espèce de climatologie de l'Atlantique. Pourquoi? Parce que la marine à voile a besoin de savoir quels sont les endroits où il vaut mieux passer pour avoir un bon vent. Et ça, c'est Maurice, un Américain qui va le faire, et il va compiler tous ses carnets de bord. Et donc, c'est le début, je dirais, de la cartographie météorologique. Et point très important, à la suite de ce travail, il va recommander au capitaine de noter d'une certaine façon les observations météorologiques. C'est le début, je dirais, du cadrage de comment on fait de l'observation météorologique. Et c'est vraiment une révolution. Au 18e, on sait relativement peu de choses sur la météo. Il y a quelques mesures de pression, de température. On n'a pas encore de codification des nuages. Donc, chacun observe un peu à sa façon. On commence à avoir un petit peu de ce qu'on pourrait appeler l'ancêtre de la climatologie. C'est-à-dire qu'on note au fur et à mesure les valeurs telles qu'elles arrivent. On ne fait pas de pointage. Donc, on n'a pas une vision globale. C'est une vision que locale. Et c'est très empirique. Je dirais, par expérience, par exemple, les navigateurs savent qu'il faut aller chercher les alizés pour pouvoir traverser l'Atlantique. Et pour remonter de l'Amérique vers l'Europe, il faut plutôt passer par l'Atlantique Nord. Mais c'est beaucoup d'empirisme, il n'y a pas de connaissance, c'est pas une véritable science. On ne sait pas trop comment fonctionne l'atmosphère. C'est encore la grande époque des dictons paysans ? Alors, les dictons paysans existent déjà, les gens les utilisent beaucoup. Le dicton paysan est pas si mauvais que ça en général. Il est valable pour, je dirais, votre chef-lieu chez vous, pas très loin, et on va faire une prévision, allez, 12 heures, 24 heures. Au-delà, on commence à raconter un peu n'importe quoi. Quand le dicton paysan se concentre uniquement sur un lieu, où on parle par exemple d'une montagne qui est dans les nuages et le lendemain il fait beau ou il fait mauvais, ça en général sont des dictons qui fonctionnent. Mais des dictons pas cotisons Noël au balcon, ça sont des dictons qui sont en général, ils sont faux, ils marchent une fois sur deux, donc c'est pas de la prévision. La météo va commencer à s'organiser à la fin du 18e siècle et au 19e siècle. Alors on va... Je dirais la première personne qui va lancer un peu cette organisation indirectement, c'est Maury, l'homme qui a fait la climatologie sur l'Atlantique et qui va proposer une réunion qui va avoir lieu à Bruxelles en 1873. Et l'idée, c'est commencer à demander aux gens de se réunir, essayer de cadrer comment on va faire des observations, comment on va faire nos mesures, qu'est-ce qu'on observe, comment on le codifie. Donc c'est un début, il n'y a pas encore d'atlas des nuages, on en est au tout début. L'atlas des nuages va arriver un petit peu plus tard. Alors l'atlas des nuages, c'est il y a eu plusieurs personnes qui ont fait des atlas des nuages, parce que bon, il faut les reconnaître, leur donner un nom. Aujourd'hui, on a gardé une classification qui a été faite par un pharmacien anglais qui s'appelle Howard. Alors c'est pour ça que tous nos noms sont en latin, Cumulus, Cumulus humilis, Cyrus, etc. Donc c'est du latin parce que c'était un pharmacien. Ces atlas, certains ont périclité, d'autres ont été conservés. L'atlas de Ward a été modifié et un Français, Tesserin de Bord, cet homme a publié, fabriqué avec ses propres deniers, a fabriqué cet atlas, l'a publié et l'a vendu à crédit aux quelques services météorologiques existants. c'était une façon de former les météos à faire une observation, et surtout, c'était une référence pour que quand on parle d'un cumulus, sur cet atlas, il y avait des dessins, et on savait ce qu'était exactement un cumulus. On pouvait pas se tromper, on pouvait pas confondre un cumulus avec un stratocumulus. Donc c'était une façon d'apprendre à reconnaître les nuages et à leur donner un nom exact. Et bien sûr, au 19e siècle, on continue à faire des mesures. Alors, au 19e siècle, on va faire des mesures, et là, on va commencer à mettre ces mesures sur une carte. On appelle ça le pointage, c'est-à-dire vous mettez à différents endroits les valeurs que vous avez mesurées. Donc, ça permet d'avoir une vue en deux dimensions, une carte de la météorologie. Donc, les premiers à le faire, je dirais, de façon opérationnelle, ce sont les Américains, parce qu'ils ont les premières lignes télégraphiques. Donc, ils transmettent l'information et ils commencent à pointer. C'est très, très lent, ça démarre. Il y a en général une carte ou deux cartes par jour qui sont publiées deux ou trois jours plus tard. On n'est quasiment pas en temps réel. Où est-ce qu'on les faisait, ces mesures? Il y avait déjà des stations? Alors, les stations météorologiques vont naître un peu au petit bonheur la chance en fonction des endroits où il y a un peu de population, parce que ça coûte de l'argent, et il faut des systèmes de transmission. En France, il faut se souvenir qu'on a eu une tempête très importante en Crimée. La France et l'Angleterre, pour une fois, font la guerre ensemble, sont du même côté. Simplement, il y a plus d'une vingtaine de bateaux qui sont détruits par une tempête. Donc, Napoléon III demande une enquête pour comprendre ce qui s'est passé et est-ce qu'on pouvait faire une prévision. Il s'adresse à un astronome qui est à l'Observatoire de Paris, qui s'appelle Urbain Le Verrier. Et Urbain Le Verrier, il va faire la chose très simple. Il va envoyer des courriers dans toute la France, dans toute l'Europe, pour savoir est-ce que quelqu'un a vu passer une tempête. Et il va recevoir 250 réponses, et on va lui dire, bah voilà, moi la tempête, elle est passée tel jour à tel endroit, elle est passée à Vienne à tel endroit, etc. Et Le Verrier va proposer à Napoléon III une chose extraordinaire, il va lui dire, on a vu que la tempête a traversé toute l'Europe, si nous mettons en place un bon réseau d'observation et des transmissions, nous pourrons prévenir l'arrivée d'une tempête. Et c'est là, je dirais, un peu un acte fondateur des réseaux d'observation opérationnels. La France a été un leader, mais on n'y est pas que la France. Il y a d'autres pays qui ont fait aussi à peu près à la même époque pour différents problèmes. On se rend compte que les Anglais vont faire à peu près la même chose à la même époque parce qu'ils ont une tempête qui fait des destructions. En général, l'histoire de la météo est toujours très très liée à des dégâts liés à une tempête. Les météorologistes, ils sont au sol. Donc on voit le ciel, on voit les nuages. On mesure notre température, notre pression au niveau du sol. Mais on aimerait bien voir ce qui se passe en haut. Donc très rapidement, on s'est dit, et si on pouvait monter un thermomètre en altitude pour aller mesurer la température au niveau des nuages? Alors, les premières mesures en altitude vont être faites en France, à Trappes. C'est tout près de Paris. Tesserin de Bord, l'homme qui avait fabriqué l'atlas des nuages, lui va financer aussi, parce que c'est un homme qui avait de l'argent et qui était passionné de météo, il va concevoir un observatoire à Trappes, et à Trappes, il va lancer des cerfs-volants. Donc on va accrocher des sondes à des cerfs-volants qu'on va faire monter en altitude, donc on imagine qu'on peut pas monter très très haut. On va fabriquer des ballons auxquels on va mettre des sondes, et l'ensemble va partir, en espérant que ça retombe sans trop de dégâts. Et il faut retrouver les sondes pour dépouiller, pour voir ce qui s'est passé. Et Tesserin de Bord va faire une opération extraordinaire. Il va découvrir quelque chose qui, pour nous, météo, est très important. C'est la tropopause. Alors, de façon très simple, l'atmosphère météorologique, ça fait entre 8 km d'altitude et 16 km d'altitude. Et on se rend compte, quand vous faites des mesures de température en altitude, que plus vous montez, plus la température refroidit. Jusque-là, pas de problème. Sauf que, quand vous arrivez aux alentours de 10 à 12 km d'altitude, brutalement, la température devient stable. Et en réalité, il a découvert la tropopause. Donc, c'est une espèce de couche. Grossièrement, tous les événements météorologiques se passent en dessous de cette couche. Ils n'arrivent pas à passer au-dessus. Et ça, cette tropopause, on la connaît, on l'observe tous les jours. Les mesures sur la verticale en altitude datent de la fin du 19e siècle. On est aux alentours de 1895, 1896, 1897. Bon, il n'y a pas une personne qui va faire des mesures. Tesserin de Bord va être le principal leader en Europe à faire des mesures d'observation selon la verticale. Et je dirais, aujourd'hui, nous utilisons toujours les mêmes techniques. C'est-à-dire que nous envoyons des ballons sondes. Alors maintenant, c'est un peu plus technique, c'est automatique. Le ballon sonde transmet en temps réel. Mais tous les jours, à Trappes, toutes les 12 heures, vous avez un ballon sonde qui part et qui fait une mesure verticale de l'atmosphère. On écoute Polo et Pan, Arc-en-Ciel, sur France Inter. Ferme les yeux, c'est essentiel pour ce voyage existentiel qui te mènera jusqu'à... Fabienne Chauvière, Les Saventuriers, sur France Inter. En 1922, des premiers bulletins météo sont radiodiffusés depuis la Tour Eiffel. Mais c'est au cours de la Première Guerre mondiale que sont créés les premiers véritables services météo aux armées. Le 14-18 a été extrêmement marquant pour la météo à deux titres. Je dirais le premier titre, la guerre demande de l'information météo parce que l'artillerie a besoin d'avoir des bonnes conditions pour tirer. Et c'est le développement de l'aviation. L'aviation commence à naître, à devenir opérationnelle. Et les avions ont besoin de savoir le temps qu'il va faire pour savoir s'ils peuvent voler ou ne pas voler. Donc ça a été une première révolution. Et des progrès ont été faits dans la qualité de la prévision météorologique. Et le deuxième point très important, 14-18 a nous a fait faire, nous météorologistes, un bond en avant fantastique. Je fais un petit aparté. En Norvège, à l'issue de la guerre, pendant la guerre, ils ont des problèmes d'alimentation. Le gouvernement demande à Bergsnes, qui est un météorologiste, de voir comment on peut améliorer la prévision météo pour l'agriculture. L'idée, c'est d'avoir de meilleurs rendements agricoles pour pouvoir nourrir la population. Et Bergsnes, à partir des observations qui sont pointées sur des cartes, va imaginer un phénomène météorologique qui est crucial pour nous météo, il va imaginer le front chaud et le front froid, qui sont des conflits de masse d'air. Vous imaginez des espèces de gros volumes d'air chaud ou d'air froid qui viennent taper l'un contre l'autre. Il va se passer quelque chose à ce niveau-là. On les a appelés fronts pour la simple et unique raison, c'est qu'on est en 14-18. Donc c'est pendant la guerre, on les a appelés fronts parce que c'était des conflits. Et Bergsnes, donc ils sont deux, le père et le fils, vont proposer ce concept météorologique qu'on utilise tous les jours encore, hein, très très bien. Et il faut imaginer qu'ils ne l'ont imaginé uniquement en regardant depuis le sol, à partir de quelques valeurs. C'est ça qui est extraordinaire. Et ces fronts chauds, ces fronts froids, une fois qu'ils les ont imaginés, ben, ils se sont dit, ben, comment ils naissent? Et là, ils ont fait toute une théorie qui s'est avérée pas totalement juste ensuite, mais ils nous ont commencé à nous expliquer comment la météo évoluait, comment le temps évoluait et donc quels étaient les outils à utiliser pour pouvoir faire de la prévision météorologique. On est au début du XXe siècle et on commence à comprendre quelques grandes lois de la météo. Les lois de la météo commencent à apparaître, on commence à les comprendre. Et il y a une première loi, c'est la loi, ce qu'on appelle la loi de Buisballo, qu'un météorologiste néerlandais, en 1860, va mettre au point une loi, qu'on appelle la loi de Buisballo, qui relie la pression avec le vent. Ce qui n'est pas, au premier abord, pas forcément évident. Et entre autres, sa loi, elle est très simple, c'est de dire, quand le vent vous souffle dans le dos, dans l'hémisphère nord, sur votre gauche, vous avez la dépression, sur votre droite, vous avez l'anticyclone. Il vient de faire le lien entre les champs de pression et le champ de vent. Et ça, ça va permettre ensuite de pouvoir créer des techniques de prévision qui seront utilisées pendant la Première Guerre mondiale, où on calcule à partir des variations de pression, de voir comment les systèmes vont évoluer et quel type de temps on va avoir. La prévision en 14-18, c'est essentiellement une prévision pour le jour même, voire le lendemain, mais pas au-delà. Au-delà, on commence à raconter un peu n'importe quoi. À partir de quand fait-on des prévisions météo destinées au public ? Alors, la prévision pour le grand public, elle va commencer assez rapidement. On va, je dirais, fin 19e, début 20e siècle, on fait des premiers bulletins météo. Les premiers sont plutôt des bulletins climatologiques que de prévision. Ils sont publiés ? Alors, les premiers bulletins météo sont publiés dans des journaux. On a quelques revues qui en parlent quand c'est plutôt des bulletins de climatologie. Mais on est plus sur de l'observation, un petit peu de prévision. Mais en général, ils ont un problème entre la prévision et le temps de publication, le temps est trop important, donc ce n'est pas des prévisions opérationnelles. 11 janvier 1950, bulletin météo, diffusé dans l'émission Paysans de France. Ici Radiodiffusion française, studio de Rennes. Voici notre premier bulletin météorologique régional pour l'Ouest, valable pour la journée d'aujourd'hui, jeudi 19 mai. Après de larges éclaircies matinales, le ciel deviendra nuageux, rares averses au milieu de la journée, vent de secteur ouest faible, température de la journée en légère hausse. Et voici les températures à 4 heures. Lorient et Angers 1 degré, Rostrenin 2, Nantes et Rennes 3 degrés, Caen et Brest-Guipava 4, Cherbourg 7 degrés. Alors, il va y avoir les premiers bulletins radio dans les années 20. Vous allez en voir même dans les années 40 les premiers bulletins télévisuel. Ça va évoluer doucement. La Seconde Guerre mondiale va être aussi une deuxième révolution au point de vue de la météorologie, parce qu'elle va d'abord nous apporter un premier outil très important qui s'appelle le radar. Les radars avaient été conçus pour détecter les avions. Les radaristes étaient gênés par la pluie. Ben, nous, météorologistes, nous, au contraire, c'est ce qui nous intéresse, c'est la pluie. Et en 1949, les Américains mettent au point le premier radar météorologique. Nous, nous les aurons beaucoup plus tard. Et ces radars nous permettent de détecter en permanence où il pleut. Donc ça a une vision complète sur un grand territoire comme la France. On voit où la pluie est en train de tomber. Le deuxième point très important de la Seconde Guerre mondiale, ça va être les calculateurs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains avaient besoin de calculer des tables de tir pour les canons. Ça prenait énormément de temps de calcul. Bon, vous aviez des personnes qui, papier crayon, faisaient les calculs à la main. Ça prenait des mois. Et on met au point un premier ordinateur qui s'appelle ENIAC. Alors, pour un petit info, ENIAC, ça fait 30 tonnes. C'est pas un petit ordinateur, c'est un monstre, mais il fait pas beaucoup de calculs. La guerre arrive à la fin. Et ENIAC, on n'a pas eu le temps de l'utiliser pour faire des tables de tir pour les canons. Et donc, les Américains vont se lancer à essayer de fabriquer de la prévision numérique. Et en 1945, ils vont faire la première prévision numérique à 24 heures. Donc, c'est un modèle qui est très simple, ce qu'on appelle un modèle à une équation, un modèle barotrope. Et ce modèle, pour faire une prévision à 24 heures, il faut 33 jours et 33 nuits de calcul pour y arriver. Donc, on n'est pas du tout dans l'opérationnel. Mais pour nous, météorologistes, c'est une révolution parce qu'on sait qu'on peut faire quelque chose. Et si les calculateurs augmentaient, on pourrait faire de la prévision opérationnelle. Alors là, on est dans les années 50 et on commence vraiment à s'organiser au niveau international. 1951, la date de la création de l'Organisation mondiale de la météorologie est un pas très important. Parce que là, on met tous les services météorologiques sur la même table, au même niveau, tout le monde observe de la même façon, transmet de la même façon, on fait des échanges entre services météorologiques, et ça c'est un point extrêmement crucial et important. Il existe une règle, c'est que les données météorologiques entre services météorologiques sont transmises gratuitement et librement. Même en pleine guerre froide, Américains et Russes échangeaient des observations. On a très vite découvert que la météorologie n'avait pas de frontières de pays. Un nuage ne s'arrête pas à la frontière franco-allemande. Un nuage vient de l'Europe de l'Est, va aller vers l'Ouest, ou va aller vers le Nord, ou vers le Sud. Il n'y a pas de limite. Les deux limites qui existent en météorologie sont la limite sol-mer, parce que les nuages ne peuvent pas rentrer dans la Terre, et la deuxième limite, c'est la tropopause, la limite supérieure de l'atmosphère météorologique. Et là-dedans, tous les nuages, les précipitations, le vent, tout ça circule librement. Donc très vite, les météorologistes ont compris qu'il fallait échanger toutes ces données. Très rapidement, avec les nombres de stations météorologiques vont augmenter pour les besoins opérationnels. On a besoin d'avoir une bonne observation. Et en météorologie, on a ce qu'on appelle les déserts météorologiques. On voit très bien l'Europe où il y a beaucoup de pays, donc on a beaucoup d'observations. L'Amérique, on a beaucoup d'observations. Mais entre l'Amérique et l'Europe, il y a une grande zone d'eau, l'océan Atlantique, où on a extrêmement peu d'observations. De temps en temps, on a un bateau qui passe, qui nous donne un peu d'informations, mais c'est pas extraordinaire. Et très rapidement, on a mis en place, avec l'Organisation mondiale de météorologie, des bateaux qui étaient à des points particuliers, le point K, le point R. Donc ces deux points, par exemple, où Météo France avait des bateaux qui circulaient en permanence dans une espèce de carré pour faire de l'observation météorologique. 9 janvier 1958, émission La Science en Marche. Le journaliste François Le Lyonnais dialogue avec le chef météo de la station K sur le bateau Le Verrier, à 1200 km des Açores. Allô ? Je vous salue, commandant. Vous êtes donc en plein Atlantique. Au point K, quel temps fait-il en ce moment ? En ce moment, le temps est beau. Le vent de secteur sud-ouest est d'une vingtaine de kilomètres et le sol est à moitié couvert. La mer s'est bien calmée depuis ces derniers jours. Quelle était la profondeur des vagues au moment des tempêtes de ces jours derniers ? Le maxima des vagues a atteint 8 et 10 mètres de hauteur. Est-ce que les observations sont faites 24 heures sur 24 ou d'une autre manière ? D'une manière continue. Et nous transmettons une observation complète chiffrée toutes les 3 heures. Dans les années 60, une révolution extraordinaire va se faire. on va voir apparaître les satellites. Pour nous, météorologistes, c'est une fantastique révolution. Il faut imaginer que avant les années 60, on voit l'atmosphère que du dessous. Là, on va le voir du dessus. Et dans les années 60, avec les premiers satellites, entre autres le satellite Tyros 1, qui est un satellite d'effilement, on va enfin voir les fameux fronts chauds, fronts froids, qu'on connaissait en théorie, mais on les avait jamais vus concrètement. Les premiers satellites sont des satellites qui vous font de la photographie. Ils sont pas extraordinaires. Et nous avons eu un cadeau de Noël en 63 assez étonnant. Le 24 décembre 63, à Lannion, en Bretagne, nous avons reçu la première image de satellite Tyros 8 et on voyait la Bretagne avec une perturbation. 2 avril 1960, émission Paris vous parle. Placé sur une orbite presque circulaire, apogée 748 km, périgée 696 km, le satellite météorologique Tyros 1 a pris 4 photos des nuages qui entourent la Terre et d'une portion des États-Unis et du Canada. Tyros 1, qui tire son nom des initiales de Television and Infrared Observation Satellite, pèse 113 kg et a la forme d'un grand carton à chapeau. Il contient 2 caméras de télévision, celle à grand angle est de la taille d'un verre à eau. Tyros a été placé sur son orbite par une fusée Thor Able qui pesait 45 tonnes au départ. Pendant les 3 mois qu'il tournera autour de la Terre, Tyros en fera 1300 fois le tour. Les météorologistes considèrent que le succès de Tyros 1 est comparable à la découverte du télescope pour les astronomes. En effet, l'étude des perturbations, des nuages tout autour de la Terre, permettra de prédire le temps avec beaucoup plus de précision et par là de prévoir et de planifier les récoltes. Ça a été l'annonce d'autres satellites qui allaient avoir beaucoup plus d'instruments et qui nous ont donné beaucoup plus d'informations météorologiques. Emmanuel Boucry, comment est-ce qu'on fait des prévisions aujourd'hui ? Alors pour faire de la prévision, c'est entre guillemets relativement simple et en même temps très complexe. On mélange de la haute technicité et du savoir-faire. Donc tout d'abord, il faut connaître le temps qu'il fait. Donc pour ça, on observe. Alors pour observer l'atmosphère, nous avons de très nombreux moyens. Le premier, le plus classique, c'est la station au sol, avec observateur ou une station automatique. Deuxième point, on va vouloir avoir une vision verticale dans l'atmosphère, c'est le radiosondage. C'est un ballon que l'on gonfle, auquel on accroche une sonde, qui va nous donner la pression, la température et l'humidité. Troisième instrument très important, ce sont les satellites, qui vont nous donner une vision de l'atmosphère vue du dessus. J'en profite, les satellites ne voient pas comme nous on voit. Nous on n'a qu'une vision, qui est ce qu'on appelle le visible. Donc le satellite a trois visions entre guillemets. La première, c'est le visible. C'est comme si vous faisiez de la photo noir et blanc depuis le satellite, en sachant que la nuit, nous n'avons pas de soleil, donc nous n'avons pas d'image. La deuxième information que l'on a, c'est ce qu'on appelle l'infrarouge. Donc c'est la température du sommet des nuages, ou quand il n'y a pas de nuages, du sol ou de la mer. Avantage, cette image-là, vous l'avez 24 heures sur 24. Et la troisième image que le public ne connaît pas, mais qui est très importante pour nous, c'est la température de la vapeur d'eau en haute altitude. Donc ça nous permet de voir les signes annonciateurs de tempêtes, d'événements violents. Une fois que l'on connaît le temps qu'il fait, on n'a pas fait de prévision, on a simplement observé. On va utiliser des modèles numériques. Un modèle numérique, c'est les équations qui régissent l'atmosphère. Alors de façon simple, il y a 6 équations à 6 inconnues. Les inconnues, vous les connaissez. C'est le vent dans les 3 directions, 2 horizontales et 1 verticale. C'est l'humidité, c'est la température et c'est la pression. Donc ça, c'est des paramètres qu'on connaît bien. Une fois que vous avez fait ces calculs, vous allez avoir le rôle du prévisionniste. Le prévisionniste, lui, va avoir 2 rôles. Il va avoir d'abord de valider le modèle. Alors, j'y reviendrai un petit peu après. Un modèle numérique, c'est une représentation. Mais comme ça demande beaucoup de temps de calcul, on est obligé de simplifier. Donc, on a fait des différents modèles avec des simplifications différentes. Donc, si tous les modèles vous disent la même chose, on va faire confiance au modèle. S'ils disent des choses différentes, il va falloir faire des choix. Ça, c'est le premier rôle du prévis. Le deuxième rôle du prévisionniste consiste à traduire en langage clair pour l'usager les sorties de modèles numériques. Alors, on va prendre un exemple très très simple. Vous êtes un pilote d'avion, je vous dis les conditions sont CAVOC, ça vous dit tout de suite un certain nombre de conditions, vous savez que vous pouvez voler sans problème, il n'y a pas de danger météorologique, etc. Monsieur Tout-le-Monde ne comprend pas le CAVOC, on te montre bien ce que ça veut dire. Alors, pour Monsieur Tout-le-Monde, on va lui dire, vous allez avoir du beau temps, vous allez avoir un petit peu de nuages ou un ciel voilé, et il va faire telle température. Donc on va avoir un langage qui va s'adapter en fonction de l'usager. Je reprends un autre exemple. Le vent, on le mesure, nous, en mètres par seconde. C'est une unité de référence. Mais pour Monsieur Tout-le-Monde, on va parler de kilomètres par heure. pour un marin ou pour un pilote d'avion, on va parler de nœuds. Donc on voyait, il y a tout un codage qui, en fonction du type d'usager à qui on parle, on va parler une certaine langue. Emmanuel Bocry, la question à 1000 euros. Pourquoi a-t-on le sentiment que la météo se trompe encore beaucoup ? Alors, sentiment des erreurs de prévision, beaucoup de gens font l'erreur, c'est le cas de le dire, il y a relativement peu d'erreurs de prévision. Alors, soyons clairs, les erreurs de prévision existeront toujours. La prévision n'est pas une science exacte, il y a une partie d'incertitude, donc il y aura toujours un petit peu d'erreurs. Le but, c'est de réduire au maximum ces erreurs. Je dirais que les grands événements météorologiques, que ça soit l'arrivée d'une tempête, que ça soit une vague de froid ou un épisode de canicule, en général sont bien prévus. Après, c'est dans le détail que ça va poser problème. Très souvent, on se rend compte, quand les gens nous disent que nous faisons des erreurs de prévision, ben les gens n'ont pas écouté la météorologie. Beaucoup de gens écoutent que d'une oreille ou ne regardent que d'un œil peu attentif un bulletin météorologique. En général, la qualité des prévisions est de très très bonne. On considère qu'on fait une erreur de pas plus de 1 degré sur les températures à 24 heures. Et on fait de l'ordre de 3 degrés à 7 jours, ce qui est quand même assez considérable. Météo France est célèbre pour ses supercalculateurs. De quoi s'agit-il ? Alors, le supercalculateur, c'est un gros ordinateur. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail, c'est pas un gros ordinateur, c'est une grappe d'une grosse quantité de gros PC très puissants. Et aujourd'hui, nos ordinateurs tournent à 1 million de milliards d'opérations en une seconde. Donc, ça fait un 1 avec 15 zéros derrière. C'est énorme. Et j'ai beau vous donner des chiffres aussi importants, il faut savoir que dans le même temps, nous avons besoin d'une heure de temps de calcul pour faire une prévision à 24 heures. Donc c'est pour vous montrer la masse considérable d'informations que nous brassons tous les jours pour arriver à faire une prévision météorologique. On en reçoit à peu près 20 millions de données par jour qu'on ingurgite dans nos ordinateurs pour vous faire une prévision météorologique. Ces satellites dédiés à la météo sont-ils nombreux ? Les satellites météorologiques sont relativement peu nombreux. Mais il y en a de plusieurs pays. Grossièrement, je dirais, il y a deux types de satellites. Il y a ce qu'on appelle les géostationnaires et les défilants. Les géostationnaires, ce sont des satellites comme Meteosat, qui tournent, qui sont sur le plan de l'équateur, qui tournent à la même vitesse que la planète, et donc qui regardent toujours la même chose. Meteosat voit l'Afrique, l'Europe, un bout de l'Atlantique, et ça s'arrête là. Alors, on a besoin de plusieurs satellites. Donc, vous avez le satellite Meteosat, qui est un satellite européen. Vous avez deux satellites américains, GeoWest, GeoEast, qui sont de chaque côté des États-Unis. Vous avez un satellite japonais, vous avez un satellite indien, et comme ça, vous avez une vision en satellite géostationnaire sur toute la planète. Sauf que, là, on a un problème, on voit pas bien les pôles nord et pôles sud, et on est intéressé. Donc pour ça, on a d'autres satellites, qu'on appelle des satellites à défilement. Ils passent à peu près toutes les 30 minutes au pôle nord et au pôle sud. Simplement, au niveau de l'équateur, ils repassent que toutes les 12 heures. Mais comme ils passent très souvent au niveau des pôles, on a une bonne vision de ce qui se passe. Quand vous mélangez les satellites défilants et les satellites géostationnaires, vous avez une vision à 360 degrés de l'atmosphère. La météo aujourd'hui offre des services qui sont de plus en plus ciblés. Les aviateurs ont leur météo particulière, les agriculteurs ont droit à leur météo. On fait de la prévision pour à peu près tout type de professionnels. Donc, quand on prend par exemple le cas de l'agriculture, nous leur fournissons d'abord un service pour savoir quelles sont les plantes qui vaut mieux utiliser que d'autres. Parce que, par exemple, le maïs, on sait que ça a besoin de beaucoup d'eau. Donc, est-ce qu'il y aura suffisamment d'eau à l'endroit où ils veulent planter le maïs ou est-ce qu'il faudra qu'ils arrosent? Donc, ça, c'est, je dirais, dans les choix des cultures. Ensuite, nous faisons de la prévision avec pour eux pour leur indiquer à quel moment il vaut mieux semer, à quel moment il vaut mieux moissonner ou vaut mieux récolter. Parce que on imagine bien que si on attend la pluie dans une semaine, bah, ils peuvent garder une semaine de plus le blé sur pied, donc il poussera encore un petit peu plus. Si jamais on le prévoit que dans deux jours, bah, ils vont moissonner plus vite. On adapte complètement. Quand vous prenez par exemple la marine a besoin d'avoir savoir où il va faire beau, où il va faire mauvais, parce que les bateaux dans le mauvais temps vont moins vite et ils risquent d'avoir des pertes. Vous avez l'aéronautique qui a besoin d'abord de connaître la météo pour des questions de sécurité. Ensuite, ils en ont besoin parce que c'est pour faire des économies. Il faut savoir qu'un avion qui vole, s'il a un vent qui le pousse, eh ben, consommera moins de carburant que si au contraire il doit lutter contre le vent. Donc, s'il sait qu'il n'a pas à lutter contre le vent, il emmènera un peu moins de carburant. Donc, ça veut dire qu'il pourra prendre un peu plus de marchandises. Donc, il gagnera un peu plus d'argent. Je dirais, toutes les activités humaines sont touchées de près ou de loin par la météorologie. Les prestations particulières sont des prestations commerciales, donc elles sont payantes. Mais il ne faut pas oublier que Météo France offre gratuitement, et c'est très important, tous les services de protection des personnes et des biens. La vigilance est toujours gratuite et sera toujours gratuite. Prévenir la population de l'arrivée d'une tempête, d'un événement majeur pouvant être mortel, et fait partie de nos missions principales. On retrouve l'histoire de la météo avec Emmanuel Beaucry juste après Nicolas Sonne avec le titre Amana Jaira sur France Inter. Amanhã já era, é hoje, hoje que te espera. Amanhã já era, é hoje, hoje que te espera. Amanhã já era. Hoje que te espera, amanhã já era. É hoje, hoje que te espera. Você quer viver sem hora pra morrer. Você quer sonhar sem hora pra valer. Você quer vencer, mas não quer se arriscar. Você quer voar, mas não tirou o brevet. E agora? Será que você quer pousar? E agora? Será que você quer casar? E agora? Será que não vai dar? E da hora? Seria só viajar? Le chemin a été long pour arriver aux prévisions météo que l'on connaît aujourd'hui. On a besoin de mesures faites au sol, en mer, dans l'atmosphère, mais ce sont les satellites qui ont révolutionné le travail des prévisionnistes. Aujourd'hui, on fait beaucoup de recherches à Météo France. Ça va de toutes les échelles. Alors, de l'échelle la plus petite, par exemple, pourquoi un nuage se charge électriquement et va donner la foudre? On a des explications, mais les théories sont pas parfaites. Ça correspond pas totalement à la réalité. Donc, on recherche dans ce domaine-là. Et diamétralement opposé, on va à des niveaux, comme par exemple, sur tout l'ensemble de la planète, avec le changement climatique. Avec des niveaux intermédiaires, comme par exemple les grands phénomènes météorologiques que l'on connaît bien comme El Niño, qui a une bascule ou non d'un courant marin qui a lieu dans le Pacifique, qui fait que quand ce courant marin se bascule, vous avez une modification des cycles de précipitation. Donc, les endroits qui étaient arrosés ne sont plus arrosés. Les endroits qui étaient en sécheresse vont être brutalement très arrosés. Donc, ça pose de très gros problèmes. Mais ça, ce sont des échelles de grande échelle qu'on connaît bien. Il y a d'autres phénomènes qu'on commence à découvrir, qu'on commence à connaître, mais on a encore besoin d'affiner, de rechercher encore plus. Donc, on recherche en permanence. Et dernier point très important, en permanence, nous essayons d'améliorer la qualité de nos modèles numériques. Est-ce qu'il y a des régions qui sont très importantes pour faire des prévisions météo? Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus importantes que d'autres? Quand on observe l'ensemble de la planète pour la météorologie, toutes les régions ont leur importance. Que ça soit les pôles, parce que c'est une zone de froid, c'est une source de froid, que ce soit les tropiques, parce que c'est une zone de chaleur pour le système. Je dirais, l'ensemble de la planète, il n'y a pas d'endroit dans la planète qui ne soit pas intéressant. Nous, l'idéal, en tant que prévisionniste, qu'on aimerait et on rêverait, c'est d'avoir une observation uniforme sur l'ensemble de la planète. Mais on a des déserts météorologiques. Les océans, on n'a pas beaucoup d'observations. Donc, la météorologie, c'est vraiment toute la planète. Il n'y a pas de frontière entre pays. C'est vraiment, on regarde tout dans son ensemble. Vous dites qu'il y a des déserts météorologiques, vous parlez des océans. Est-ce que les pôles sont suffisamment observés aujourd'hui? Les pôles, on pourrait considérer que les pôles font partie des déserts météorologiques dans le sens qu'on a relativement peu d'informations, à part avec les satellites où on a beaucoup d'informations, mais c'est vu du dessus. On a très peu d'observations vues du sol. Donc je rappelle que, par exemple, j'ai des collègues qui sont en train d'hiverner en Terre Adélie, à la base du Mont d'Urville. Ils font des observations. Si vous regardez, par exemple, le pôle sud, vous verrez toutes les bases, à peu près toutes les bases, sont autour, à la limite, terre, mer. Il y a très peu de bases qui soient à l'intérieur dans l'Antarctique. Et malheureusement, ce sont des zones où on a besoin d'informations. On a vraiment besoin d'avoir des observations dans le monde entier. Météo France, vous avez, tout le monde pense à la France métropolitaine, mais n'oubliez pas les DOM-TOM. Alors, tout le monde pense Antilles-Guyane, Réunion, Nouvelle-Calédonie. Mais nous avons des îles comme Crozet, comme Kerguelen, où là nous avons des observations. Et ces observations ont beaucoup de valeur pour nous, parce que ce sont des endroits où on a des déserts météorologiques, et une observation à ces endroits-là, c'est très important. Dans les années 60, Lorenz, qui était un météorologiste américain, a fait un titre d'un exposé qui était « Est-ce que le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut générer une tornade au Texas ?» Donc pour nous, météorologistes, c'était vraiment un titre provocateur, parce qu'entre hémisphère sud et hémisphère nord, en général, il y a peu de circulation entre les deux, mais il y en a un petit peu. Et en été, il parlait du chaos. Et nous ne l'avons pas compris à cette époque-là. Aujourd'hui, nous en tenons compte. Donc le principe, c'est de dire que l'atmosphère est chaotique. C'est-à-dire une petite variation d'une observation à un moment donné va pouvoir générer quelque chose de complètement différent dans la prévision. Et aujourd'hui, nous ne faisons pas uniquement une prévision déterministe, nous faisons ce qu'on appelle des prévisions probabilistes. Le principe est simple. Si vous avez une petite erreur dans l'observation, mais très très minime, ça peut dans certains cas ne pas changer votre prévision. Dans d'autres cas, ça va la changer de façon radicale. Et on ne sait pas à l'avance où va avoir lieu ces petites perturbations. Donc l'astuce que nous avons trouvée, ça consiste à dire, on fait tourner une première fois un modèle, on le fait après tourner en marche arrière pour savoir quels sont les endroits sur la planète où, s'il y a une erreur, ça va générer quelque chose de complètement différent, et on injecte volontairement des erreurs à ces endroits-là, et on recalcule. De façon opérationnelle, nous faisons tourner 51 fois nos modèles chaque jour. Si vous faites bien attention, vous entendrez parler, quand on fait des prévisions à J+4, donc pour 4 jours et jusqu'à 7 jours, on parle d'indice de confiance. C'est la traduction de ce système chaotique. C'est-à-dire que on indique, avec cet indice de confiance, dire attention, ça c'est le scénario principal, mais il y a peut-être d'autres scénarios. Donc soyez un peu prudents sur ces prévisions. Est-ce que l'on sait aujourd'hui, mieux qu'en 1999, prévoir les événements extrêmes ? Vous parlez évidemment des deux tempêtes de 99, de décembre 99. La première tempête, nous ne l'avions pas prévue. Nous avions prévu un petit coup de vent pas méchant. La deuxième, on attendait quelque chose de très méchant. Et malheureusement, les deux tempêtes ont fait énormément de dégâts. 26 décembre 1999, journal de Bernadette Chamonaz. Tempête meurtrière ce dimanche sur une large partie nord de la France, traversée ce matin par des vents soufflant jusqu'à 170 km/h. Elle a fait au moins 15 morts. Jacques Chirac adresse ses plus vives condoléances aux familles des victimes et remercie l'ensemble des services qui sont actuellement mobilisés. Nous en avons tiré une leçon, deux leçons. Que la première tempête qu'on a eu un comportement qu'on ne connaissait pas. On le connaissait en théorie. Mais en pratique, nos prévisionnistes ne connaissaient pas. Donc on a reformé tous nos prévisionnistes à ce genre de technique. Actuellement, il est quasiment impossible qu'une telle tempête passe sans qu'on la voie, sans qu'on la prévoie. Et le deuxième point très important, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que même quand on faisait une bonne prévision, c'est le cas de la deuxième tempête de 99, le public ne comprenait pas forcément de quoi on parlait. Et on a créé la vigilance météorologique. Donc en 2001, la vigilance météorologique, c'est, vous la voyez régulièrement, c'est une carte de France sur laquelle vous avez, pour chaque département, une couleur, vert, jaune, orange, rouge, qui vous indique le risque de vigilance à avoir vis-à-vis d'un phénomène météorologique. Rouge étant le niveau extrême. Et surtout, nous avons mis un point d'honneur à ce que l'information, au moment où on la sort pour les services de l'État, que ça soit les préfectures, les pompiers, les services de sécurité civile, etc., cette même information parte en même temps vers le grand public. Donc au moment où vous avez la vigilance météorologique, vous avez la même information que la sécurité civile. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on soit capable de faire aujourd'hui en matière de météo ? En matière de prévision météorologique, j'aimerais bien, c'est qu'on arrive à mieux comprendre tous les phénomènes pour pouvoir améliorer et la qualité de la prévision et surtout d'aller voir, de prévoir un peu plus loin dans le temps. Il faut savoir qu'en prévision météorologique, tous les 10 ans, on gagne une journée de prévision. Ce qui est quand même, on fait des bons en avant qui sont assez extraordinaires. Mais ça, c'est quelque chose qui, on en bénéficie indirectement par la recherche météorologique qui se fait tous les jours. C'est une des sciences qui a fait des progrès, un progrès fantastique. On est passé en 150 ans, 200 ans, de la préhistoire à la technologie du laser et de l'informatique. Il n'y a pas beaucoup de sciences qui ont fait un tel bond en un laps de temps aussi court. Summertime, trying hard with your summer clothes, you expected more. With your heart jumping in your chest, jumping in your chest, falling on the floor. You stay hidden in the shadows of the lane between the road and the old house. A thousand lonely streets, let me run away from the burned house. Oh, in the fast lane we go. High life, I'm here at my door. I'm not gonna take it. Fast lane we go. C'était Sid Matters avec leur titre High Life. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la météo, sur les prévisions, ou si vous voulez savoir quelles étaient les conditions météorologiques le jour de votre naissance par exemple, le site de Météo France est à votre disposition. Cette émission aussi est à votre disposition, comme toutes celles de cette série de l'été sur le site de France Inter. Oui, vous pouvez déjà emporter dans vos bagages tous les Saventuriers qui seront diffusés jusqu'à la fin du mois d'août. Les Saventuriers se déclinent aussi en livres. Les grandes épopées qui ont fait la science, parues chez Flammarion en partenariat avec France Inter. Vous pouvez y retrouver Emmanuel Beaucry, prévisionniste à Météo France, que vous avez entendu aujourd'hui. Clément Baudet réalise Les Saventuriers, Irène Menahem a préparé cette émission, à la programmation musicale Djoubaka, à la prise de son, Clément Berman et Pierre Faucillon, au mixage Benjamin Orgeret. Merci aussi à Romain Couturier de la discothèque de Radio France. À demain, Valérie Masson-Delmotte parlera du climat, de la découverte de l'effet de serre et nous racontera comment les scientifiques ont réalisé que les activités humaines avaient une influence sur le changement climatique.